Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Vous écoutez Fréquence Protestante et la 47e mécanique des ondes, avec aujourd'hui un invité que j'écoutais souvent du temps de mes années collège pour m'aider à faire passer la dure labeur de fin de journée qu'on appelle faire ses devoirs. C'était sur Europe 2 avec les duels et des choix difficiles, hein, je m'en souviens, voter entre Jamiroquai et Alliance Ethnique, mon cœur balance. Sans oublier le lecteur cassette de ma chaîne IFI qui était au taquet vers 18h30 pour ne pas louper les 2 minutes du peuple de François Pérusse. Mais pour mon invité, il y a un avant et un après de cette époque, et dans les deux cas, croyez bien qu'il aura un maximum de choses à nous raconter, avec 2X, ça va de soi. Mon invité se nomme Éric Madelon, bienvenue dans la mécanique des ondes. Bonjour Eddy, merci de me recevoir. Eh bien merci à vous déjà d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est normal. Et si je parlais d'Europe 2 essentiellement, c'est aussi parce que vous avez plusieurs années d'activité sur cette radio, et pas que, hein, puisque vous avez aussi vécu derrière le micro à vos débuts, les débuts justement d'un genre encore rare en radio à l'époque, qui était la techno et la dance. Vous allez nous en parler en détail, mais alors juste avant cette première question tout de suite, vous êtes actuellement au micro d'une radio associative, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Ah oui, parce que j'ai démarré sur une radio locale associative qui s'appelle RTV 95.7. C'était une radio, et c'est une radio qui est basée à Dreux. Pour ceux qui ne savent pas où est Dreux, c'est 80 km à l'ouest de Paris. Et c'était une radio où tout le monde pouvait s'exprimer, tout le monde pouvait parler. C'était une radio qui, évidemment, n'était pas professionnelle à l'époque des radios dites libres. Mais c'est une radio où j'ai commencé à faire mes armes avec une émission de hard rock et une émission de funk. L'une à la suite de l'autre, ce qui était totalement ridicule. Mais, j'avais les disques de hard rock. Et l'ami qui m'avait proposé de venir sur cette radio n'avait aucun disque, donc il avait besoin de moi. Et moi, je n'avais pas dans l'idée de faire de la radio. Et je suis allé faire ça. Et en fait, on s'est bien éclaté. L'aventure a duré quelques mois. Et puis ensuite, on est parti pour fonder une radio commerciale. Enfin, j'avais 14 ans. C'est plutôt les grandes 20 ans qui l'ont fondée. Et alors, la radio, justement, à 14 ans, comment vous y êtes arrivé ? Est-ce qu'il y a des émissions qui vous ont influencé, des animateurs, des radios en particulier ? Alors à l'époque, j'écoutais beaucoup dans mon lit Francis Aigut, le soir, en grandes ondes, avec un poste de radio qu'il fallait tourner tellement les grandes ondes étaient pourries. WRTL Wango Tango, avec Francis Aigut, et il hurlait, je connaissais pas du tout Wolfman Jack dont il s'inspirait. Et j'hallucinais parce que RTL passait Metallica, enfin des groupes de malades pour l'époque, et c'était sur RTL. Moi j'étais complètement éclaté, j'écoutais ça. Et j'écoutais aussi sur Radio 7, une ancienne radio de Radio France, une émission qui s'appelait Prohibition, avec Jeff et Albumine. Et pareil, ils passaient du hard rock à l'époque où personne n'en passait, ça faisait 2 minutes dans Les Enfants du Rock, enfin c'était hallucinant quoi. Donc ce sont les premières émissions de radio que j'ai écoutées, même si depuis mon enfant je suis bercé par la musique sur le plan familial. Et alors, donc après cette aventure, RTV, qui n'est pas une télévision, hein. Non, RTV signifie Radio des Trois Vallées, est-ce que j'ai bon ? C'est ça. Donc juste après, il y a eu le projet de radio commerciale, qui se nommait Radio Force 7. Le président de la radio a voulu me supprimer 45 minutes d'émission pour faire un débat politique, ce que j'ai refusé du haut de mes 14 ans. Et avec les grands de l'époque, donc ceux qui avaient 20 ans, on est parti fonder une radio qui s'appelait Radio Force 7, qui était une pure radio commerciale. On est assez vite devenu radio leader, sans grande difficulté vu la concurrence de l'époque. Et on essayait de faire comme les grands, on essayait de faire comme ceux qu'on aimait, essayait de cadrer les intros des disques, on essayait de faire une programmation sérieuse, qui se suivait, quelque chose d'intelligible pour aller vendre de la publicité. Et ensuite cette radio s'est faite franchise et fun, et là où c'était assez drôle c'est que vous avez sans doute connu Skyrock à ses débuts. Maintenant c'est plutôt Skyrap que Skyrock, mais à l'époque il passait du hit toute la journée. Et on adorait les titres de cette époque-là, avec les jingles de malades et tout. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait les rotations de fun avec la programmation de Skyrock, ce qui serait totalement inconcevable aujourd'hui. Mais on s'est bien éclaté. Et après cette aventure Force 7, donc devenue Fun Radio, est-ce qu'il y a eu encore un avant maximum ? Non, parce que Fun Radio, c'était l'avant de Maximum. Moi, j'étais étudiant, pour devenir professeur d'éducation physique, ce que je suis devenu après. Mais j'ai arrêté la radio quelques temps, et puis j'ai des potes qui sont partis sur une radio qui s'appelait Aventure FM. C'est ça, c'est celle qui a précédé justement voilà. Maximum. Alors j'ai su après ce que cachait cette radio, c'était assez intéressant, puisque c'était une radio qui était contrôlée par l'armée, avec tout ce que ça sous-entend dans les déplacements, avec Philippe de Dieuleveux qui partait à droite à gauche, les voitures de fonction c'était des 205 GTI avec des gyrophares, enfin un truc de malade. Et un jour j'écoutais ça dans ma chambre d'étudiant à Paris, et puis la musique me plaisait pas trop, et puis un jour je sens que la musique change, et j'ai dit tiens c'est bizarre, ça sonnait house quoi. Et je trouvais ça intéressant mais bon pas plus. Et un matin j'allume cette radio là, tout change. Le premier titre que j'ai entendu sur Maximum, c'était I Should Be So Lucky de Kylie Minogue, dans un remix introuvable pour l'époque. J'entends les jingles et je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors là, j'ai été tasé instantanément. J'ai appelé un pote qui bossait là-bas et trois semaines après, j'étais dedans. J'ai pas démarré l'aventure Maximum au tout début. Je suis arrivé trois semaines ou un mois après. En 1989, donc. C'est fin ça. 1989. Ouais, fin octobre. Dans la tranche du soir. Avec une émission qui s'appelait Max Import. Entre autres, je faisais les nuits tout d'abord, ensuite j'ai fait les week-ends, et après j'ai fait le soir 21h-1h, et avec une émission spéciale Max Import, et le Rêve Max le samedi soir avec Laurent Garnier. Et Max Import, je programmais l'émission, le directeur des programmes m'avait fait confiance, il me disait voilà, tu débrouilles-toi, donc je faisais trois tas. Un tas, ça il faut absolument le passer, ça jamais, et ça j'en sais rien, il faut voir. Et c'est comme ça qu'on a fait cette émission-là. Et cette émission, je la faisais avec Patanjali, je crois. Patanjali, qui est aujourd'hui à RFM. RFM, oui. Et qui avait aussi, dans l'équipe de Maximum, alors je cite certains noms de mémoire, Fred Rister. Oui, tout à fait. Donc Eric Madelonvoux, Patanjali, on l'a dit, Cocteau. Cocteau. Alors après, aidez-moi. Il y avait Dominique Perrin, il y avait Lorenzo Pancino. Et puis Lionel Safré, qui était là à une époque. Voilà, enfin c'était ceux qui faisaient la semaine principalement. J'espère que j'oublie personne, sinon je me fais engueuler. Et puis non, c'est intéressant de revenir sur cette époque de Maximum justement. Alors parce que cette radio a quand même eu une courte durée de vie, hein, 2 ans et quelques mois à peu près. C'est ça. Puisque après la radio s'est éteinte pour des raisons, je pense. Stupide. Pour devenir donc M40 juste après, fusionné avec Metropolis. Donc, mais malgré cette courte durée de vie, Maximum a eu quand même le temps de marquer toute une génération. En tout cas, ça se voit sur Internet, hein, où il y a énormément de sites Internet qui sont créés par des fans et puis des heures d'enregistrement sonore qui sont d'époque pour rendre hommage à cette radio et son univers musical. Donc, comment vous l'expliqueriez, vous, qu'il avait vécu ce succès? On a réussi à mêler le professionnalisme avec l'humain, ce qui est de plus en plus rare de nos jours. On avait une musique qui était innovante. On avait des managers, comme on dit aujourd'hui, qui étaient intéressants et intelligents. Et il y avait une bande d'animateurs qui venaient tous de province quasiment, sauf Lorenzo qui était passé par Skyrock avant. Et on était malléables. Donc quand on entend le format de Maximum à l'époque, qui est un format totalement américain, avec une programmation américano-européenne musicalement, moi je savais que les types qui faisaient Maximum venaient d'RVS, qui était la radio que moi j'écoutais quand j'étais petit. Il y avait un son de malade, il y avait les animateurs quand ils parlaient, ils avaient des voix, mais on comprenait pas comment ils faisaient pour avoir ces voix-là, quoi. Et après on a compris. Et on s'est dit, si l'équipe d'RVS a fait Maximum, et si Maximum c'est ce qu'on entend aujourd'hui, bon bah on va se taire, on va faire ce qu'on nous demande. Et c'est là où on a appris tout ce qu'on sait de la radio, tous les uns et les autres, et je remercierai jamais assez ceux qui m'ont engagé, ils m'ont appris tout ce que je sais de la radio encore aujourd'hui. Donc voilà, et pour compléter votre question, pourquoi est-ce que ça a gardé un tel impact? Parce qu'on s'éclatait en interne, et on s'éclatait à l'antenne. Et on nous a dit, par exemple, la musique que vous passez, si vous sortez pas la nuit, vous allez pas comprendre ce que vous racontez. À chaque fois que vous parlez, il faut dire quelque chose. J'entends beaucoup d'animateurs qui font ce qu'on leur demande, mais qui, pour moi, ne donnent pas un plus, ne donnent pas envie de rester encore plus, ne donnent pas un peu d'eux-mêmes, sans mentir, mais en disant les choses un peu positives, en présentant bien les choses. Et nous, on faisait ça, on sortait la nuit, et quand on entend la musique qu'on passe le jour, la nuit, eh ben, quand on en parle le lendemain soir, on n'en parle pas pareil. Et ça se sent, les gens le sentaient. Oui, c'est encore le genre de choses qui est aujourd'hui encore... difficilement praticable sur nos FM, diffuser de la musique de nuit, comme vous dites, en pleine journée. FG le fait. Ils ont la chance d'avoir une fréquence sur Paris et un réseau maintenant, donc ils le font. Après, bon, il y aurait pas mal de choses à dire sur FG, mais au moins ils sont là et ils diffusent de la musique d'aujourd'hui, quoi. C'est justement là-dessus que j'allais rebondir. Si Maximum existait aujourd'hui, supposons que la disparition de 92 n'ait jamais eu lieu, est-ce qu'aujourd'hui on aurait une radio un peu plus, bon, je sais pas si le terme est le bon, mais conventionnel entre guillemets, un peu à l'image de ce que fait Radio FG, ou même, pour prendre l'exemple, dans le groupe RTL, puisque c'était aussi au groupe RTL Maximum, ce que fait Fun Radio aujourd'hui avec son format Dance Floor? Non, ça serait certainement pas Fun Radio, ça c'est sûr. Ça se rapprocherait d'FG, avec des titres en moins, des titres en plus, un habillage différent, des animateurs équivalents ou différents, mais... Maximum serait leader à Paris, c'est sûr. Ouais. Si on ne prend pas en compte non plus le ressuscitage qu'il y a eu ces dernières années sur le web. Ah oui, non, mais ça c'est n'importe quoi. Donc ça me fait plaisir de pouvoir le dire publiquement. Je ne cautionne pas du tout ça. Oui, parce que c'était, on va avoir rappelé aux auditeurs, c'était en 2007, donc il y a une dizaine d'années, un label nommé Airplay Records qui avait racheté la marque Maximum, je crois, au groupe RTL, pour lancer un flux internet, justement, avec... qui était censé relancer justement Maximum. Oui, enfin relancer Maximum sans les gens de Maximum, déjà ça me fait rire. Et en plus, quand on entend ce qui passe, c'est à se demander s'ils ont écouté Maximum un jour. Après, les revivals sur certaines radios, pourquoi pas. Mais bon, Maximum, c'est terminé, c'est une aventure passée, c'est une radio qui est devenue mythique. Est-ce qu'il est bon de ressasser le passé? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose de merveilleux, c'est une sorte de joyau. Et je suis pas fan de ce qui se fait actuellement. Maximum, à ma connaissance, c'est la seule radio qui a une espèce de fan club d'en inscrit officiellement. Si une radio d'aujourd'hui s'arrêtait, je suis pas persuadé qu'elle aura un fan club. Donc ça, c'est quelque chose qui nous touche. La fin de Maximum a été une horreur totale pour tout le monde. Donc on me demande souvent de parler de la fin de Maximum, ce que je ne fais pas, parce que on était tous en train de chialer, c'était une horreur totale, vraiment, hein, parce que les gens d'M40 se sont conduits n'importe comment. C'est ce qui s'est ressenti d'ailleurs quand on écoute la séquence de l'époque, justement, oui. La transition de Maximum à M40, effectivement, c'était quelque chose de difficile. Ils n'ont rien respecté, ils se sont conduits comme des porcs, disons-le clairement, c'est pas une insulte que de dire ça, mais c'est inconcevable d'avoir fini ça comme ça. Alors que nous, on est restés professionnels jusqu'au bout, on n'a rien critiqué, on n'a rien dit, on est restés pro jusqu'au bout. Fred avait fait une liste de remerciements, ils ont voulu couper les remerciements. Enfin, comment vous qualifiez ça, vous, aujourd'hui? Ça n'a pas de nom. Et dans la bande de copains que vous étiez à l'époque, donc il y a eu aussi de jeunes DJ, Laurent Garnier, vous l'avez cité, qui est devenu aujourd'hui l'ambassadeur de la French Touch, de la techno à la française. Il y a eu Joachim Garraud aussi. Vous êtes toujours en contact avec ces gens-là? Avec Joachim, oui. Laurent, non. Mais Laurent, c'est la vie qui nous a séparés, on n'est absolument pas fâchés. Laurent faisait pas partie de l'équipe de Maximum, c'était quelqu'un qu'on payait pour faire un mix sur lequel je parlais. Donc en fait, il nous donnait un set de 3 heures, et moi je parlais dessus. Alors moi je découvrais aussi certains titres, et des fois je faisais des erreurs de prononciation en anglais, ce qui le faisait hurler de rire. Mais c'était vraiment une émission mythique, on lui a montré que passer de la musique minimaliste pendant 3 heures, c'était pas forcément un truc très bon pour l'audience. On lui a appris à faire des vagues, même si aujourd'hui il dit le contraire et qu'il en parle pas beaucoup dans son dernier livre. C'était une aventure fantastique avec Laurent. Il est venu faire des mix chez nous, on a halluciné, on en a fait quelques-uns en direct, notamment les 2 derniers, et j'ai passé des moments merveilleux avec Laurent Garnier, quoi. Et Joachim, on est toujours potes, on se voit toujours et on va se voir très bientôt, là, d'ailleurs. D'accord. Laurent Garnier qui n'a pas abandonné la radio juste après, puisqu'il a continué, je crois, ses mix sur Fun Radio, UFG. Radio Meule en ce moment, je crois. Radio Meule en ce moment, ouais. Et puis il y a eu le Move aussi juste après. Et il a fait Nova, je crois. Et Nova également, ouais, ouais. Exactement. On va faire une première pause musicale, Eric Madelon, tout de suite, avec un morceau que vous avez choisi et qui n'est pas de la house. Non. Je m'attendais à ce qu'il y ait une référence quand même à Maximum dans vos choix musicaux, mais pas du tout. Le premier morceau, c'est Camille 500, Le Rossignol et la Rose, avec également Nathalie Dessay, la cantatrice. Je vous laisse nous en parler. C'est la cantatrice Nathalie Dessay. Alors pourquoi j'ai pas choisi un titre de Maximum? Parce que j'étais sûr que vous attendiez à ce que j'en passe un. Donc, vous m'avez bien eu. Bravo. Ouais. Donc, comme on est sur une radio cultuelle, je me suis dit, on va essayer de passer quelque chose qui est plus dans l'air du temps de la radio. Nathalie Dessay, je suis pas un fan d'opéra, j'y connais absolument rien en opéra, donc moi je fonctionne au son. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me parlent et des choses qui me parlent pas. Ça, cette chanson-là, ces vocalises m'apaisent. Et Nathalie Dessay, qui a fait de la radio également, hein, comme quoi ça nous ramène à tout, qui a fait une émission de musique classique il y a 3 ans sur France Inter. « petit peu de musique classique dans la mécanique des ondes. Bah oui, pourquoi pas, c'est Eric Madelon qui a choisi Le Rossignol et la Rose avec Camille Saint-Saëns et Nathalie Dessay. Et alors là, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Eric Madelon, est-ce qu'on pourrait rajouter un jour dans votre CV peut-être un passage radio classique? Oula, alors non, ils vont me rejeter à coups de pelle, hein, j'y connais rien, vraiment. J'y connais rien, comme je le disais juste avant Nathalie Dessay, moi je fonctionne à l'émotion et j'écoute des titres parce que ça me touche pour une raison ou pour une autre. Mais je suis incapable de, sans réfléchir, de vous citer 10 titres de musique classique. D'accord. Bon, par contre, pour la house des années 90, là, il n'y a pas de problème. Ça va. Donc, pourquoi house 90, pour ceux qui nous prennent en cours de route, parce que Eric Madelon, qui est invité aujourd'hui, a fait ses débuts, notamment sur Maximum, radio qui s'est éteinte au début 92 pour laisser place à M40. Et donc, Eric Madelon, l'après Maximum, pour vous, comment ça s'est passé? Je suis allé présenter mes maquettes. À l'époque, on avait des cassettes. J'ai été un petit peu partout. Et j'étais à l'armée, donc c'était très compliqué. Christophe Sabot m'avait reçu. Et je devais aller à Énergie, mais il n'y avait pas de place. Mais visiblement, une place devait se libérer. Et il m'a dit, écoute, pour attendre, pour patienter, tu vas aller sur Rire et Chanson. Donc je suis allé sur Rire et Chanson pendant 4 mois. J'ai vu que c'était une radio qui démarrait à l'époque, qui avait pas le budget qu'il y a aujourd'hui, même si le budget, quand on écoute les directeurs, et je les comprends, on n'a jamais assez parce qu'on veut toujours faire mieux, ça c'est évident. Même ici, j'imagine que si on vous donne plus d'argent, vous serez encore plus content. C'est partout pareil. Mais à l'époque, il y avait vraiment rien, et c'était l'époque où, quand je passais les Beatles, j'avais la guitare à droite, la batterie à gauche, enfin parce qu'il y en avait un canal mono, quoi. Enfin c'était assez terrible. Ah oui, c'était rock'n'roll. On appuyait sur les boutons et quand on appuyait un peu trop fort pour faire stop, ping, il y avait le petit truc en plastique qui sautait. C'était radio bout de ficelle au début. Et donc juste après l'aventure Rire et Chanson qui aura donc duré quelques mois. Mmh. Donc alors passage à RMC à Monaco ou à Paris? À Monaco. À Monaco et juste pour conclure sur Rire et Chanson, maintenant le studio de Rire et Chanson est probablement l'un des plus beaux studios de Paris en radio, hein. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, faut y aller. Et je suis allé à RMC à Monaco, boulevard Princesse Charlotte. Ça aussi c'était un point marquant dans ma vie parce que je suis parti du jour au lendemain à Monaco, j'habitais à Nice et je faisais les nuits et en journée je faisais Speakerine chez But, payé à partir de 4 fois 100 francs, voilà, tous ces trucs là. Ah oui, on connaît les meneuses de jeu, voilà, sur les radios périphériques, mais alors par contre les meneurs de jeu, il y en a eu très peu. Oui, c'est vrai. Et ouais, je le dis sans aucune notion péjorative, j'étais Speakerine. Vous étiez presque précurseur au masculin. Voilà, et je me souviens du petit cochon de Radio Monte Carlo que ma grand-mère écoutait à fond quand j'étais petit. Et là, je rentre dans les studios mythiques. J'ai été dans les studios qui étaient désaffectés, mais dans les studios où Foucault travaillait. Enfin, c'était RMC à Monaco, quoi. C'était légendaire pour moi. Je travaillais dans une radio de légende. Et j'étais assez surpris et heureux de travailler là. Ouais, ouais, c'était un honneur. Ah oui, grand honneur. Ah, j'étais fier. Ouais. Et l'aventure a duré donc. Une fois, c'était clair dès le début. J'étais là pour 4 mois. Il m'a dit voilà, on a besoin de quelqu'un pour 4 mois. Donc à la fin je suis remonté, ils m'ont rappelé et c'est moi qui ai pas voulu redescendre parce que je considérais que le métier de la radio était à Paris et pas à Monaco. Avec le recul, est-ce que je le referais? Je pense que je descendrais cette fois-ci avec le recul. Mais à l'époque les faits m'ont donné raison, il fallait que je reste à Paris. D'accord. Et donc après tout ça, donc en 1995 vous arrivez sur une toute autre radio à Paris. Si je vous dis le meilleur de la musique, Europe 2, ouais, radio légendaire aussi, qui a marqué son époque, plus au début qu'à la fin, même si j'ai fait la fin et que j'étais celui qui a fait la transition entre Europe 2 et Virgin Radio, parce que j'ai eu 2 périodes à Europe 2, mais c'était une radio qui avait une très belle image, une image extrêmement chic, parce que la musique qui passait dessus était très soft, très choisie, très élégante. Et c'était une radio où moi, venant de Maximum, parce que j'ai quand même été marqué au fer rouge par cette radio-là, j'avais un peu l'impression que tout était au ralenti. Je parlais de là, moi j'ai un accent un peu parisien, je parle un peu vite. Mais quand je parlais sur Europe 2, j'avais l'impression que j'étais sous Tranxène, quoi. Voilà. Donc vous commenciez en dès 95, donc au week-end, les soirs de week-end. Pareil, j'ai fait le parcours classique des animateurs. Mmh. J'ai fait la nuit, ensuite les week-ends. J'ai fait la nuit une année, je crois, ensuite les week-ends, après des remplacements en semaine. J'ai fait le 17-20, j'ai fait le 9-12, j'ai fait à peu près tous les créneaux sauf le morning. Et le créneau qui aura le plus duré, hein, comme je l'ai dit en tout début d'émission, c'était la tranche de ce qu'on appelle le drive aujourd'hui, avec le duel, les fameux duels musicaux, oui, et les demi-heures du peuple, souvenir. Ah oui, oui. C'est une star au Canada, François Pérusse. Mmh. Il est très très bon. Mmh. Enfin, mmh. Maintenant, je sais plus, mais à l'époque, c'était une star. Mmh. Et puis les duels, c'était une idée originale. Donc au début, j'avoue que ça coinçait un peu parce que passer des vieux titres des années 80 et pas les meilleurs pour faire du buzz, c'était drôle. Mais musicalement, ça y avait les oreilles qui saignaient un peu. Mais on a pris le parti d'en rire et on a bien fait chauffer l'histoire et finalement, ça a été un bon moment de radio. Mmh. Et donc l'aventure Europe 2 a pris fin donc en juin 2002. C'est possible, je sais plus. Et donc vous arriviez juste après sur une autre radio qui a un nom similaire, il faut juste garder le chiffre 2. 2. RTL 2 oui. De Europe à RTL. Ouais. Là aussi bah, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé dans des radios qui ont une image magnifique. RTL 2 a une très très belle image, une très très belle radio, les visuels sont sublimes, le son est bon. Les animateurs sont performants, ils disent quelque chose. J'ai vraiment eu de la chance. Ouais. Et donc après RTL 2 qui durera deux saisons, vous l'avez dit, retour à Europe 2. Voilà. Et là, vous reprenez en main une émission qui était déjà en place dans la grille, qui s'appelait... Alors non, c'est pas Radio Blog, c'était juste avant, c'est Happy Rock Hours. Alors c'est moi qui ai démarré Happy Rock Hours. C'est une idée de Christophe Sabot. Et d'accord. C'est ensuite que... je vois ce que vous voulez dire. Mais Happy Rock Hours, c'est moi qui l'ai démarré. Et l'idée, c'était de diffuser des titres le soir qu'on pouvait pas passer en journée. Le format de Europe 2 avait changé. C'était devenu un peu plus punchy. Et ensuite, la dernière année, je sais plus exactement, il y avait Jean-Pierre Sabillier qui est venu avec moi, JPH, où lui, c'était un expert du rock. Et il nous a détecté tous les hits rock qui ont suivi pendant les 2-3 années d'après, quoi. C'était une pure oreille qu'il aurait fallu garder, mais hélas, le management étant ce qu'il est, ils se sont séparés de lui. Et ce qui pour moi a été une erreur fondamentale. Et on n'avait plus ces fameux hits créés, enfin trouvés par JPS. Moi, je m'en souviens un peu de cette émission. Moi, j'étais auditeur justement d'Europe 2. Mmh. Et c'est vrai qu'il y avait, une certaine avant-garde dans ses choix musicaux. Oui. Ouais. Et de bonnes découvertes. C'est lui qui a trouvé MGMT, par exemple. Bon, ceux qui n'aiment pas le rock, ça leur dira rien, mais c'est quand même iconique. C'est lui qui m'a fait découvrir l'un des albums des Foo Fighters que je connaissais le nom, mais il me dit tiens Eric, écoute ça, on va passer ça c'est une chanson sur la mort de qui tu sais, etc. Et puis voilà, on a passé des moments fantastiques. Pour l'anecdote, JPS était quelqu'un qui était un fan de musique mais qui était pétrifié par le micro, enfin, c'est pas un scoop, tout le monde le sait. Et donc, il faisait un peu de sophrologie avant chaque micro, je le détendais, je dis voilà, je vais te dire ça, je vais te poser ça comme question, t'inquiète pas, il y a pas de piège. On commençait à rigoler, il avait toujours peur que ça parte et qu'il puisse pas répondre, donc j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour le mettre en confiance, et au final c'est devenu une belle complicité, et ça a été là aussi un très bon créneau de radio. Mmh. Et vous l'avez dit aussi, Europe 2, vous étiez le dernier animateur à l'antenne avant que la marque disparaisse pour devenir Virgin Radio. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Honnêtement, ça m'a pas gêné parce que les raisons évoquées étaient les bonnes, mais le budget n'a pas suivi. L'idée de Christophe Sabot était de nous dire voilà, quand on va aux Eurocaines de Belfort, quand on dit aux Foo Fighters venez vous faire interviewer par Europe 2, l'équipe ils vous regardent, Europe quoi, c'est quoi. Par contre, vous leur dites venez vous faire interviewer sur Virgin Radio, les types ils viennent en courant. Donc ça, c'était une bonne idée. Sachant que la marque est déjà présente depuis les années 90 à Londres. Voilà. En Italie. Mais partout, son fondateur a une très bonne image. On avait eu tout un exposé sur les valeurs de la marque, quelles images fallait véhiculer musicalement sur le plan du développement durable, de l'éco-responsabilité, de la musique, quels étaient les mots-clés à employer. Enfin, il y avait un vrai travail qui a été fait en amont. Personne n'a respecté ça, on n'a pas eu de budget. Après, Christophe Sabot est parti, et puis voilà, on s'est devenu... ce que c'est devenu dans les mois qui ont suivi, et maintenant c'est devenu une radio que j'écoute moi en tant qu'auditeur. Michael Bois qui la programme fait un très très bon travail, et en tant qu'auditeur, les deux radios que j'écoute, c'est Virgin et FG en fait. D'accord. Et donc l'aventure Virgin Radio, donc, et non plus Europe 2, se termine donc pour vous en 2008. Oui. Fin 2008. Oui. Et donc après, bah, rebelote, l'animateur rechange de radio en deux. Le type qui change de trottoir tous les 3-4 ans. C'est un peu ça, oui. Ouais, c'est ça. Les deux voisins. On est voisins, ouais. Et en plus, tout le monde se connaît, c'est assez drôle. Donc, je suis retourné à Europe 2 parce qu'on m'avait appelé. Donc, j'étais très content d'y retourner. Et c'était l'époque où j'ai fait le 9-12. où j'ai eu le record d'audience, comme sur le 9-12 d'Europe 2 d'ailleurs, record qui n'a pas été battu. Donc c'était une période où on m'avait laissé l'opportunité de créer des jingles à mon nom, ce qui était assez rare pour des animateurs non-stars, parce que je suis pas une vedette, hein. Je suis un animateur de flux qui a une personnalité, mais je suis pas Nagui, quoi. Et j'avais fait des liners où je m'auto-bâchais. C'est Eric Madelon, 9h midi, mais 9h c'est pas possible, il sera jamais là, c'est l'heure où il se couche d'habitude. Et il y avait que ça pendant, enfin que ça, il y avait ce type de liner là, et ça a plu aux femmes qui écoutaient la radio. Parce que moi j'aime bien faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux. Et donc j'étais plutôt le complice des gens qui m'écoutaient, plutôt que de faire la vedette, s'imaginant que le simple son de ma voix faisait de l'audience. J'essayais de créer du contenu tout en respectant les 20 secondes qui m'étaient imparties, où je devais donner le nom de la radio 5 fois, donner le slogan de la radio, donner le nom du groupe ou du chanteur ou de la chanteuse, et avec le sourire. D'accord. Donc après Europe 2, donc comme je le disais, changement de trottoir, ouais, RTL2. Et donc là, vous reprenez le drive en 2009, le 17-20. Oui, 17-20. Là aussi, très bonne tranche horaire. Moi, j'aime bien le soir, en fait, parce que je suis vraiment pas du matin, et c'est pas une coquetterie que de le dire. Si on me demande d'être là à 6h, je suis là à 6h. Hein. J'ai récemment été joker, et je le suis encore, pour Rire et Chanson. On me demande d'être là à 6h, je suis là à 6h, et puis on démarre, et ça envoie à 6h du matin. Mais physiologiquement, moi, je suis opérationnel vers 17h. Donc, c'est vraiment une tranche que j'aime bien. J'adore l'idée de raccompagner les gens à la maison. J'adore l'idée de les accompagner le soir. Bon, sur RTL2, c'est Francis Aigut qui fait ça divinement bien depuis des années. Et là aussi, c'est un endroit où j'ai vraiment aimé être. C'était vraiment une très bonne période. Qui se terminera en 2012. C'est ça. Période à laquelle vous décidez de quitter totalement le monde de la radio. Oui, parce que j'en ai eu assez. La radio était devenue l'inverse de ce qui m'avait donné l'envie d'en faire. Donc j'ai dit, bon, le contrat s'arrête, c'est pas renouvelé pour des raisons assez étonnantes. Donc c'est bon, stop, j'arrête la radio, j'en ai marre. Il est coutumier de dire, ouais, mais tu sais, c'est le milieu qui veut ça. Non, le milieu est la résultante des gens qui le composent. Voilà, donc si on change les gens, ben, ça peut devenir mieux. Donc j'en ai eu assez, j'ai à la suite de ça, décidé d'arrêter la radio complètement. Ouais. Enfin, arrêter complètement, pas sûr. On va y revenir justement plus en détail juste après votre deuxième choix musical, Eric Madelon, qui n'est pas du classique cette fois-ci, mais plus de la chanson française, et plutôt classe même, dirais-je. Merci. Étienne Dao avec Boulevard des Capucines, pourquoi ce choix? J'ai rencontré Étienne Dao 3 fois. C'est pas mon chanteur préféré, mais il y a des titres chez Dao qui me touchent. Et là, s'imaginer qu'il écrit une chanson... à la place de son père, puisque vous savez que son père l'a un peu abandonné et qu'il est revenu le voir à l'Olympia un peu pour lui demander de l'argent. Bon, je caricature et je vais très vite. Mais s'imaginer qu'un chanteur qui a été abandonné par son père écrit un texte qu'il aurait aimé que son père lui dise, si on combine ce texte-là avec la musique qu'il a composée, moi, ça me bouleverse. Ah, et tout va bien avec mon père, hein, je fais pas un transfert. Boulevard des Capucines, ton nom qui tout là-haut scintille est le même que le mien. C'est l'Olympia qui célèbre ton étoile qui là-haut s'élève, et je vis ton succès de loin. Sur scène tu es le centre, la foule aimante vacille. J'observe lorsque tu chantes que brillent les yeux des filles. Je n'approcherai pas les loges où on te couvre d'amitié et d'éloges, car la pudeur me le défend. De loin tu sembles fort et grave, plus que les garçons de ton âge, comme lorsque tu étais enfant. Que Martin, je te guette et l'appréhension me vide. Victoire de la musique d'honneur cette année pour Étienne Dao. En plus, c'est dans l'actualité. Oui. Et c'est un morceau que vous avez choisi avec Madelon, Boulevard des Capucines, donc à l'instant sur Fréquence Protestante et dans la mécanique des ondes. Et donc, on parlait tout à l'heure de la fin de votre carrière radiophonique entre guillemets, puisque là, comme je l'ai dit, ne jamais dire jamais, c'est ça. Puisque vous êtes revenu. Je suis revenu, il revient. En fait, c'était une anecdote assez drôle. J'ai un copain qui bosse sur Rire et Chanson, Christophe Marceau, pour ne pas le nommer. Il m'envoie un message sur Messenger, il me dit « Eric, j'ai une question bête à te poser, est-ce que je peux te la poser ?» J'ai dit « Oui, il n'y a pas de question bête quand on n'a pas la réponse, il n'y a pas de souci. » »« Non mais t'es sûr, tu vas pas m'engueuler ?» J'ai dit « Mais vas-y, pose ta question. » Il me dit « Voilà Eric, est-ce que tu veux refaire de la radio ?» Instantanément, je réponds « Non. » Il me dit « Ah bon ? Ah, c'est bête parce que on a donné ton nom au directeur adjoint, on a donné ton nom au directeur, Patrice Saulnier, Laurent Thibault, et puis on a donné ton nom à Gaël Sanquer, ils ont tous dit oui. » J'ai dit « Ah !» Bon ben je vais peut-être revenir alors. Et du coup, depuis le mois d'août dernier, vous devenez animateur joker, donc remplaçant à l'antenne de Rire et Chanson. Voilà, et je suis très content parce que c'est l'une des dernières radios où on peut parler un peu, on peut dire des bêtises sans se faire taper sur les doigts, et c'est même conseillé de dire des bêtises. Donc je bénéficie d'une extrême bienveillance des trois directeurs dont j'ai donné le nom, et je suis vraiment content d'y être, d'être joker là-bas. Et je me suis remis les boutons dans les doigts, et puis bon, c'est comme le vélo, ça revient vite. Et alors, en parallèle à tout ça, donc depuis 2009, vous avez gardé un pied dans la radio, mais cette fois-ci de l'autre côté du micro. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En plus, on revient sur une radio dont on a parlé au début. Voilà, RTV, j'ai démarré sur RTV, et j'y suis revenu quelques années plus tard, parce que j'ai fait une conférence en ville devant des amis, devant une association qui faisait un dîner débat, et on me demande de parler de la radio. Alors je leur disais, mais vous voulez parler de quoi exactement? De l'histoire de la radio. Je dis, enfin, l'histoire de la radio, c'est un peu long, quoi. Vous voulez quoi exactement? Fais-nous de l'anecdote, fais-nous marrer. Donc je leur ai parlé de la petite histoire de la radio, comment a démarré Énergie, comment a été protégée Énergie, les radios, comment ça fonctionnait, voilà, Dalida, toute cette période-là. Et à la fin de ce dîner, on vient me voir, on me dit « Eric, voilà, on a un problème avec une radio locale, on n'arrive pas à gérer le truc, est-ce que vous pourriez nous donner un coup de main ?» Donc je dis « Oui, si vous voulez, moi je travaillais à RTL2 à l'époque, oui c'est ça, oui, oui je crois que c'est ça. Oui. » Et je dis « Oui, pourquoi pas, mais je vais déjà réécouter, mais c'est quelle radio ?» Je savais très bien quelle radio c'était, mais j'ai quand même posé la question, mais dit « Voilà, c'est RTV. » Je dis « Ok, donc je vais réécouter. » Donc j'ai fait ce que j'ai dit, j'ai réécouté pendant une journée, j'ai fait des notes, j'ai pris des notes. Je fais venir celui qui m'avait demandé d'écouter chez moi, et je dis voilà, je lui donne les feuilles, il dit voilà, faut faire attention à ça, ça, ça et ça. Il me dit mais je serais totalement incapable de répéter ça. Je lui dis mais si, c'est écrit, il n'y a qu'à répéter. Hein. Ah non, Eric, faut que tu viennes. Donc j'y suis allé. Alors je résume parce que ça s'est fait sur deux mois, mais ils m'ont bombardé vice-président alors que j'avais rien demandé. Et puis le président de l'époque démissionne pour des raisons qui étaient totalement personnelles et pas liées à la radio, et je me suis retrouvé élu démocratiquement avec un score salinien de 320% de voix pour que je sois président. Ce qui m'a fait plaisir, mais bon, c'était compliqué parce que je devenais président des dettes un peu quand même. Et le président qui m'avait succédé, lui, avait arrêté l'hémorragie, il avait fait le nécessaire pour que tout s'arrête. Mais je suis en 2009 rentré dans la même radio que celle que j'avais quittée en 1983. Et je me suis dit, mais les 25 ans de subvention, c'est passé où exactement là? Parce que je comprends pas. Quand je suis rentré à l'antenne, le studio était sale, c'est pas comme ici, il y avait de la poussière partout. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, une radio, c'est un ordinateur, il y a un peu que la taille de l'ordinateur qui change. Et je prends l'ordinateur de diffusion, je le soulève, la radio s'arrête. Je baisse l'ordinateur, la radio s'éteint. Donc j'ai dit, ça, il va falloir changer. Et donc on a tout changé. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, Eric Madelon. On va terminer avec quelques questions, à commencer par ce que j'appelle la question capsule. Une capsule dans laquelle on place une question posée par l'invité de la précédente émission. Et en l'occurrence, c'est un animateur que vous connaissez bien, Pascal Langlois. Oui. Qui a non pas une, mais deux questions pour vous. Salopard. Surtout que la première n'a pas grand chose en lien avec la radio. Ah. Salut Eric, alors une question qui n'a rien à voir avec la radio dans un premier temps. Je voulais savoir, enfin avoir ton avis sur la réglementation qui va arriver le 1er juillet sur les routes de France, à savoir rouler à 80 km/h. Donne-moi ton avis, ça m'intéresse. Salopard, c'est bien ce que je disais. J'aime beaucoup Pascal, on est amis. Et il sait que j'aime bien les grosses voitures qui roulent vite, avec des gens qui savent les piloter. Hein, des gens qui mettent les clignotants quand ils doublent, tout ça. Je suis vent debout contre cette législation qui est purement financière et stupide, puisque moi, mon vieux passé d'enseignant ressurgit quand je vois qu'on n'apprend pas aux gens à piloter une voiture. On les taxe tout de suite. On prend de l'argent dans le porte-monnaie des automobilistes, on est une vache à lait, on s'occupe pas des vrais problèmes, et on n'apprend pas aux gens à conduire sur la route, à se comporter bien, à conduire juste. Merci d'avoir écouté cette émission de la mécanique du volant sur Fréquence Protestante. Bon, plus sérieusement, non, on va passer une deuxième question, toujours de Pascal Langlois. Allez, cette fois-ci, ça concerne la radio, promis. De quoi aurais-tu besoin, là, maintenant, je sais pas, de quelque chose de très important pour ta radio, pour que tu, voilà, que tu la pérennises pendant des années, des années? D'argent. J'ai besoin d'argent. Les talents, je les ai déjà autour de moi. L'équipe que j'ai réussi à constituer est une équipe très performante. J'ai des gens d'RTL qui sont avec moi pour me rendre service. Donc, je peux pas avoir mieux. Les gens du conseil d'administration, parce que c'est une radio locale associative, donc c'est sous cette forme-là, les gens du conseil d'administration me conseillent. Ce sont des gens qui savent me dire non quand ils sont pas d'accord. Les quatre salariés que j'ai, je souhaite à tout le monde d'avoir ces quatre salariés-là. J'ai deux animatrices journalistes, un service civique et une responsable administrative. Donc, je suis très très bien entouré. Donc, pour pérenniser les salaires et développer la radio, j'ai juste besoin d'argent. Sujet toujours sensible sur les radios associatives. Ah là là. Donc, on va terminer maintenant avec une petite série de questions. C'est le questionnaire rapide. Alors attention, est-ce que vous êtes prêt avec Madelon? Oui, j'ai pris un café, tout va bien. C'est parti. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Broadway Billy, c'est un animateur américain. On l'écoutait quand il était sur Z100 à New York. Et quand il parle, il est dans la musique, il parle, il est pile dedans, il cadre les intros, c'est une lame de rasoir à chaque fois. Ce type est un dieu vivant pour tous les animateurs radio qui veulent faire du flux. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Un mix entre Europe 1 et RTL. Quelle radio vous réveille le matin? Aucune. Quelle radio vous endort le soir? Aucune. Comme ça c'est dit. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Un endroit où j'écoute jamais la radio? Quand je vais courir. Votre meilleur souvenir de radio? Maximum. Le pire? Maximum. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Alors Pascal Langlois, qui m'a posé deux questions tout à l'heure, a fait la réponse que je vais vous donner aujourd'hui. Il faut démarrer dans les radios locales associatives. C'est là où vous pouvez manger du micro. Je reprends l'expression qu'il a utilisée à mon compte. C'est là où vous pouvez faire vos armes, vous pouvez toucher à tout, vous pouvez beaucoup apprendre. Et après, quand vous allez dans un réseau, vous avez de la matière à présenter. D'accord. Comme je l'ai dit, pour clôturer la précédente émission, la radio associative reste la meilleure école qui soit. Ah oui, ça c'est certain. Merci Eric Madelon, en tout cas, d'avoir partagé avec nous vos souvenirs radiophoniques. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de la mécanique des ondes aujourd'hui sur Fréquence Protestante. Merci à Arnaud de l'autre côté de la vitre qui était aux manettes. Merci Arnaud. Et on vous rappelle que l'émission est disponible en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes. Vous tapotez la mécanique des ondes dans la barre de recherche, vous allez retrouver facilement.